nous avons établi que la conscience d'autrui ne nous apparaissait jamais. Ce qui m'apparaît subjectivement, donc en première personne, à ma conscience, ce sont les attitudes d'autrui, ce sont les conduites qu'autrui adopte dans le monde, mais ce n'est pas sa conscience. D'une certaine manière, la conscience d'autrui n'est que probable. Je la postule du fait de ma ressemblance avec autrui. Nous sommes tous les deux des êtres humains, nous avons à peu près des organismes comparables. Donc, j'ai tendance à penser qu'il est conscient, mais je ne peux jamais être absolument certain qu'autrui l'est vraiment. Et donc, pour savoir qui est autrui, ce qu'il est, puisque je n'ai pas accès à sa conscience, je dois me contenter d'observer ses attitudes. C'est ce que nous dit Sartre, Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant. Donc, je vais citer un passage. Entre la conscience d'autrui et la mienne, mon corps comme chose du monde et le corps d'autrui sont les intermédiaires nécessaires. Donc là, Sartre nous dit que nos consciences n'entrent pas en relation directe, elles passent forcément par un médium qui sont nos corps. Nos corps sont les moyens pour nos consciences d'entrer en communication. L'âme d'autrui est donc séparée de la mienne par toute la distance qui sépare tout d'abord mon âme de mon corps, puis mon corps du corps d'autrui, enfin le corps d'autrui de son âme. Il est évident que la relation de mon corps avec le corps d'autrui est une relation de pure extériorité indifférente. L'âme d'autrui ne se donne pas en personne à la mienne. Elle est une absence, une signification. Le corps d'autrui indique vers elle sans la livrer. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que le corps d'autrui, c'est en quelque sorte un signe extérieur, qui indique vers son intériorité, vers sa conscience. C'est-à-dire que le corps d'autrui me renvoie à sa conscience, à ce qu'il pense intérieurement, mais il ne me le donne pas de façon directe. Hein. Le signe doit être interprété. Comme on le sait, c'est que tout signe, toute interprétation d'un signe, eh bien c'est toujours exigeant, c'est souvent hasardeux. On peut se tromper sur la signification des gestes, des actes d'autrui. On ne peut jamais être tout à fait certain d'avoir la bonne lecture. Peut-être qu'autrui voulait dire autre chose que ce que je comprends en jugeant ces actes. Et puis, il y a souvent un décalage entre nos intentions et ce que nous faisons. Voilà, on a un certain projet et puis finalement nos actes donnent lieu à quelque chose de très différent de ce que nous voulions. Mais du point de vue existentialiste de Sartre, ce sont bien nos actes qui nous définissent, ce sont les actes qui vont déterminer le verdict que l'on va poser sur nous, le jugement qui en définitive dira qui nous sommes. L'existentialisme, c'est cette posture philosophique donc, qui est défendue notamment par Sartre. Selon laquelle hein, le principe de l'existentialisme, c'est l'existence précède l'essence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que nous ne sommes pas définis par une essence, c'est-à-dire par une nature préalable. Ce sont nos actes qui définissent qui nous sommes. C'est au cours de notre existence, au cours de notre vie, par ce que nous faisons, que nous allons dire voilà qui nous sommes. Mais qui je suis, ce qui nous sommes, nous ne le définissons pas tout seul, d'une certaine façon, c'est aussi les autres, c'est aussi le jugement des autres qui va le déterminer. C'est-à-dire que la détermination de qui je suis, elle résulte d'une interaction entre mes projets, mes actes, et le jugement que les autres portent sur mes actes. Alors, en effet, ce que nous avons vu, c'est que d'un côté, moi je n'ai pas accès à la conscience d'autrui et je le juge à partir de ses actes, mais ça marche dans l'autre sens, hein. Il en va de même pour moi vis-à-vis d'autrui. Autrui ne peut jamais accéder à mes états de conscience, à mes pensées. Il ne peut que juger mes conduites et me définir à partir d'elles. Et donc, autrui va poser un verdict sur moi à partir de ce qu'il perçoit de moi. Sartre donne un exemple. Si autrui m'a vu regarder par la serrure d'une porte dans un couloir, il va me définir comme un voyeur, il va me dire tu es un pervers, voilà, c'est ça que va dire autrui. Et il ne sait pas pourquoi je l'ai fait, peut-être que j'ai entendu un cri, je me suis dit il y avait un danger, je voulais peut-être regarder par la serrure, mais c'est pour prévenir ce danger. Mais en fait, ça, autrui ne le sait pas. Tout ce qu'il voit, c'est moi en train de regarder par la serrure. Donc il se dit ce type-là est un voyeur, un pervers, et c'est ça la définition qui tombe sur moi et que je me retrouve contraint par le jugement d'autrui d'endosser. Et donc ce que nous dit Sartre, c'est que du fait que ma conscience vit en permanence avec le regard d'autrui qui pèse sur elle, hein, sur moi, je vis dans la honte. J'ai honte de moi face à autrui. Donc je suis toujours inquiet de la façon dont autrui va juger mes actes. Je suis toujours inquiet du verdict qu'il va poser sur moi. Mais en tant que je vis sous le regard d'autrui, eh bien, ce que nous dit Sartre, c'est que nous sommes en permanence réduits au statut d'objet. Au statut d'objet sous le regard d'un autre. Nous ne sommes plus sujets qui se définit par ses pensées, par ses actes, quand nous sommes pris sous le regard des autres. Nous sommes un objet d'examen, de la même façon que qu'un livre ou un pot de fleurs est posé sur une table ou sur un meuble, eh bien que nous pouvons regarder, eh bien chacun d'entre nous est un objet jugé par les autres et auquel d'une certaine manière il n'appartient plus de se définir lui-même. Ce sont les autres qui vont le définir. Donc c'est une relation qui est un peu tendue, forcément. Donc, et ma seule manière de me libérer de mon être pour autrui, c'est-à-dire de la définition qu'autrui m'impose, ça va être d'inverser ce rapport et de traiter à mon tour autrui comme un objet. Et en fait, de l'enfermer à son tour dans une identité que je lui aurais imposée. C'est pour ça que Sartre voit les relations entre les personnes comme conflictuelles, comme tendues, du fait de cette... Ce jugement mutuel que nous portons les uns sur les autres. Je vais vous citer un autre passage, justement, dans lequel il expose ce problème de la honte. « Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi. Je ne le juge ni le blâme. Je le vis simplement. Je le réalise sur le mode du pour-soi. » Vous vous souvenez, le pour-soi, c'est mon être en tant que je le perçois moi-même. C'est l'être pour soi, c'est l'être d'un sujet tel qu'il le vit lui-même, tel qu'il en a lui-même conscience, tel qu'il se le représente lui-même. Ça, c'est l'être pour soi. Donc, j'ai fait ce geste maladroit et je le vis d'une certaine façon. Je reprends le texte. « Mais voici tout à coup que je lève la tête, quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout à coup la vulgarité de mon geste et j'ai honte. Il est certain que ma honte n'est pas réflexive. » Car la présence d'autrui à ma conscience, fût-ce à la manière d'un catalyseur, est incompatible avec l'attitude réflexive. Dans le champ de la réflexion, je ne peux jamais rencontrer que la conscience qui est mienne. Donc là, il nous dit, c'est que quand nous réfléchissons, quand nous jugeons nos propres états de pensée, nous sommes un peu seuls avec nous-mêmes, nous pouvons prendre distance vis-à-vis de ce que nous avons fait, peut-être voilà, prendre du recul par rapport à notre expérience. Mais en fait, quand je suis sous le regard d'autrui, là, je n'ai pas cette réflexion. C'est juste le jugement d'autrui qui me tombe dessus, qui s'impose à moi. Je reprends la lecture. Autrui est le médiateur entre moi et moi-même. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. Et par l'apparition même d'autrui, je suis mis en mesure de porter un jugement sur moi-même, comme sur un objet, car c'est comme objet que j'apparais à autrui. C'est-à-dire que sous le regard d'autrui, je ne suis plus sujet, je ne me définis plus moi-même, je ne suis plus qu'un objet jugé et je suis obligé d'accepter le jugement que les autres portent sur moi en tant qu'objet. Donc pourtant cet objet est apparu à autrui, ce n'est pas une vaine image dans l'esprit d'un autre. Cette image en effet serait entièrement imputable à autrui et ne saurait me toucher. Je pourrais ressentir de l'agacement, de la colère en face d'elle, comme devant un mauvais portrait de moi, qui me prête une laideur ou une bassesse d'expression que je n'ai pas. Mais je ne saurais être atteint jusqu'au moelle. La honte est par nature reconnaissance. Je reconnais que je suis comme autrui me voit. Donc là, ce que nous dit Sartre, c'est que, bon, évidemment, si le jugement que porte sur autrui n'avait aucun fondement, était complètement détaché de ce que je suis, ben je pourrais trouver ça agaçant, voilà, si quelqu'un dit quelque chose de moi qui n'a rien à voir avec la réalité, je m'en moque. Mais comme le jugement d'autrui se fonde toujours sur une perception de mes actes et que j'ai bien fait quelque chose, eh bien, je suis obligé de l'accepter. Je suis obligé de dire, bah oui, en fait, autrui n'a pas totalement tort. Bien sûr, il ne connaissait pas mes intentions, il ne connaissait pas mes pensées, mais il a bien vu ce que je faisais. Donc, son jugement n'est pas complètement absurde, il n'est pas complètement arbitraire. Il a un fondement. Donc, son jugement est en partie justifié. Et donc, s'il me pose un verdict sur moi, d'une certaine manière, je suis contraint de l'accepter au moins en partie, même si c'est un jugement très négatif. Voilà, je reprends mon exemple du voyeur. J'étais bien en train de regarder par la serrure de la porte. Donc, quand autrui me traite de voyeur, il n'a pas totalement tort. Et donc, je suis obligé d'endosser le jugement qu'il porte sur moi. Donc, on voit bien que Sartre, identifie une tension fondamentale qui résulte de la séparation des consciences. D'un côté, bah, tout sujet humain, en tant qu'être pour soi, c'est-à-dire être conscient de lui-même, veut se définir par ses projets et les actes qu'il accomplit pour réaliser ses projets. Et donc là, il se dit, voilà, moi je suis comme ceci, et voilà, je vais faire telle et telle chose pour montrer qui je suis. Et le sujet, à partir de là, le sujet conscient, il ne veut pas qu'on l'enferme dans une définition figée. Il va dire, bon, bah, j'ai fait ça avant, maintenant je vais me lancer dans un nouveau projet pour... Voilà, pour aller de l'avant, entre guillemets, pour ne pas rester enfermé sur un certain moment de ma vie. Mais d'un autre côté, comme le sujet vit sous le regard des autres, eh bien, il risque toujours de se voir imposer une définition qui n'est pas la sienne, mais qui est imposée par les autres. Et c'est ça qu'appelle Sartre l'être pour autrui. Donc, l'être pour autrui, c'est cette définition de moi qui m'est imposée par les autres. Et le sujet risque toujours d'endosser le jugement que les autres portent sur lui dans sa propre représentation de lui-même. C'est-à-dire que, au lieu de se définir par lui-même, hein, au lieu d'être pour soi, en fait, le sujet intègre dans l'idée qu'il se fait de lui-même le jugement que les autres ont porté sur lui. Alors, ce raisonnement, il est peut-être un petit peu abstrait, mais en fait, Sartre l'a appliqué ensuite à des phénomènes très concrets. Notamment, il a analysé les phénomènes du racisme et de l'antisémitisme à la lumière de ces concepts. Alors, ce que nous dit Sartre, c'est que notamment, bah, les races, hein, ce qu'on appelle les races, bah, ça n'existe pas les races n'existent pas en elles-mêmes. Ça, notamment, bon, c'est quand même accepté par la communauté scientifique, c'est que la notion de race chez les êtres humains, elle n'a pas de fondement biologique. Bon, pour autant, les races, elles existent dans une société. Mais qu'est-ce que c'est qu'une race? Ben c'est le produit des jugements qu'un ensemble de personnes porte sur un autre ensemble de personnes. En fait, c'est un être pour autrui. C'est un être pour autrui qui est assigné à un groupe de personnes. On va dire, ben, les gens de telle race, ils sont comme ceci, comme cela. Voilà, c'est ça le racisme. Et donc la victime de racisme, elle se voit imposer une définition de son être par les racistes qui la jugent, notamment à partir de son apparence physique. Le raciste, qu'est-ce qu'il dit à la personne qui subit le racisme? Elle lui dit, tu as telle couleur de peau, donc tu es ceci, donc tu as telle définition, tu as telle et telle caractéristique. Et l'individu qui subit le racisme, lui, il voudrait se déterminer par lui-même, par ses projets, par ses actes personnels, dire, voilà, moi je suis comme ceci, comme cela, mais en fait, les racistes viennent et lui imposent une identité. Ils veulent l'enfermer dans une définition préétablie, qui sont en fait un ensemble de stéréotypes qui sont construits socialement, et lui dit, bah non, non, tu n'es pas défini par tes projets, tu es de telle race, tu es comme ceci, comme cela, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu veux, hein, ce n'est d'une certaine manière, tes projets sont niés. En fait, le phénomène du racisme, ça consiste à objectifier une personne, à lui nier son être pour soi, c'est-à-dire à lui nier sa capacité de se définir elle-même par sa conscience et ses projets, en l'enfermant dans une identité. Alors ça, c'est notamment dans un texte que Sartre a écrit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Les réflexions sur l'antisémitisme. Sartre nous dit, si le juif n'existait pas, l'antisémitisme l'inventerait. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, les nazis avaient construit les juifs comme une race, ils avaient dit, voilà, les juifs, c'est une race. Voilà, c'est une race différente des Allemands, hein, des Aryens, ce que les nazis appelaient les Aryens. Et donc, ils ont construit une race. Ce sont les nazis qui ont construit la race juive. Comme si c'était un groupe biologique différent des Allemands. Et donc, Sartre nous dit, si le juif n'existait pas, l'antisémitisme l'inventerait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin qu'une culture préalable existe, bon, même si c'était le cas, il y avait bien une religion juive, mais là, en l'occurrence, peu importe qu'une religion ou qu'une communauté existe, ce sont plutôt les racistes eux-mêmes qui inventent cette communauté. Je cite un autre passage. Qu'est-ce donc qui conserve à la communauté juive un semblant d'unité? Pour répondre à cette question, il faut revenir à l'idée de situation. Donc, la situation, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui s'impose aux personnes, pour Sartre, hein. Ce sont les conditions qui s'imposent à l'existence des personnes. Donc, quelle est la situation qui s'impose aux Juifs dans le cadre de l'antisémitisme? Donc, Sartre nous dit, ce n'est ni leur passé, ni leur religion, ni leur sol qui unissent les fils d'Israël, mais ils ont un lien commun, s'ils méritent tous le nom de Juifs, c'est qu'ils ont une situation commune de juifs, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une communauté qui les tient pour juifs. En un mot, le juif est parfaitement assimilable par les nations modernes, mais il s'est défini comme celui que les nations ne veulent pas assimiler. Le juif est un homme que les autres hommes tiennent pour juif. Donc là, ce que nous dit Sartre, il part du contexte de l'Europe de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, ce qui a fini par mener voilà, à la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que à cette période-là, les États-nations se construisent et les Juifs cherchent à s'intégrer dans les sociétés modernes. C'est-à-dire, ils disent, nous sommes citoyens, nous sommes comme les autres, nous ne voulons plus être différents, alors que pendant très longtemps, avant la Révolution française, les Juifs étaient isolés dans des ghettos. Avec l'époque moderne, les Juifs veulent être reconnus comme des citoyens comme les autres. Mais en fait, l'antisémitisme se développe en même temps dans ces sociétés, en particulier en Allemagne. Finalement, on leur refuse le statut de citoyens égaux. On leur refuse d'être reconnus comme des membres de la communauté. Et donc ce que dit Sartre, c'est qu'en fait dans ce contexte-là, notamment dans le contexte de l'Allemagne et puis plus largement de l'Europe du début du XXe siècle, eh bien, les Juifs auront beau faire tous les efforts qu'ils veulent pour chercher à s'intégrer et être reconnus comme des citoyens comme les autres hommes continuent à les enfermer dans une identité séparée, dans un groupe séparés, ils leur refusent de se définir par eux-mêmes, ils leur imposent une identité. Alors, certes, bon, ça c'est cette condition, cette situation qui s'impose aux individus, mais Sartre souligne en même temps que le sujet a toujours la capacité de transcender l'être pour autrui. Autrement dit, l'individu, il peut tenter de s'affranchir de la définition qui lui est imposée de l'extérieur. Alors, en ce sens, on peut citer un autre auteur qui s'est pas mal appuyé sur Sartre, c'est le sociologue américain Erving Goffman, qui, dans son ouvrage Stigmate, a analysé différentes stratégies qui sont développées par les personnes qui sont victimes d'un stigmate, qui sont stigmatisées, c'est-à-dire que l'on dit, auxquelles on assigne une identité et qu'on va discriminer, hein, souvent c'est concrètement c'est ça qui arrive, c'est que les personnes stigmatisées sont discriminées, et bien ces personnes elles vont tenter de développer des stratégies pour se libérer du stigmate, pour s'en affranchir. Et on pourrait comparer deux stratégies, voilà, deux stratégies déployées par les mouvements d'émancipation des Afro-Américains. Voilà, une communauté qui a été particulièrement stigmatisée et discriminée au cours de l'histoire, les Afro-Américains aux États-Unis. Bon, et bien, dans les années 50-60, la communauté afro-américaine a développé différentes stratégies pour se libérer de ce stigmate. Alors d'un côté, on a eu la stratégie qu'on pourrait qualifier d'universaliste, de Martin Luther King, qui a consisté à nier le stigmate, c'est-à-dire à dire, voilà, l'identité que vous essayez de nous assigner, ces stéréotypes racistes que vous nous imposez, ils sont faux, hein, nous les rejetons, l'homme noir n'est pas différent de l'homme blanc. Hein, l'homme noir et l'homme blanc font partie de la même communauté humaine, ils sont égaux, et l'Afro-Américain est comme n'importe quel citoyen américain, a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres citoyens des États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est la stratégie de Martin Luther King, c'est la négation du stigmate. D'un autre côté, on a eu une autre stratégie, qui a notamment été adopté, par exemple, voilà, par le mouvement des Black Panthers, hein, qui consistait à retourner le stigmate. Qu'est-ce que ça veut dire retourner le stigmate? Ça veut dire que le groupe de personnes stigmatisées, le groupe de personnes qui, auxquelles on a assigné des stéréotypes, ils vont chercher à se réapproprier leur image et en changer la valeur. On leur imposait un stigmate négatif en disant les Afro-Américains sont comme ceci, comme cela, tout un tas de stéréotypes négatifs. Eh bien, le groupe se réapproprie leur image et lui donne une valeur positive. Donc, pour ces mouvements-là, qui constataient que le racisme était beaucoup trop ancré dans la société américaine pour changer les choses, en disant bon, que la stratégie universaliste de Martin Luther King, ça ne marchait pas, eh bien, au lieu de chercher à s'intégrer à la société américaine qui ne voulait pas d'eux, ils se sont dit, ben, écoutez, nous allons assumer notre différence et nous allons construire une identité propre, une identité distincte de l'identité américaine, mais une identité propre dont nous sommes fiers. Voilà, et c'est une autre manière de retourner le stigmate, de s'en libérer, c'est de se construire sa propre identité.